Exercice 12, page 53. Cela me permet de correspondre avec des hommes qui mènent eux aussi une vie confortable. Mais je n'oublie jamais qu'eux aussi peuvent mentir. En général, nous échangeons des mails pendant plusieurs semaines. Ils me décrivent leur vie, je leur décris la mienne.